Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Nous l'avons révélé en la nuit du destin. Mais qui te fera jamais savoir ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. En cette nuit, descendent les anges et l'esprit avec la permission de leur Seigneur et avec les ordres pour toutes choses. Paix elle est jusqu'au lever de l'aube.